J'ai rendez-vous avec la môme du 8e. J'ai rendez-vous tous les soirs de la semaine. J'ai rendez-vous, un petit rendez-vous avec moi-même. J'ai rendez-vous, moment pile, où elle descend les poubelles. Un drôle de rendez-vous. C'est la vie qui va qui vient, des lendemains sans fin. C'est la vie qui va qui vient, toujours, toujours plus loin. C'est la vie qui va qui vient. Avec cette fille un peu blême, j'ai rendez-vous tous les soirs samedi même. J'ai rendez-vous, un petit rendez-vous avec moi-même. J'ai rendez-vous au moment pile où elle se querelle. Un drôle de rendez-vous. C'est la vie qui va qui vient, des lendemains sans fin. C'est la vie qui va qui vient, toujours, toujours plus loin. C'est la vie qui va qui vient, encore, encore un petit matin. C'est la vie qui va qui vient, des lendemains sans fin. C'est la vie qui va qui vient, toujours, toujours plus loin. C'est la vie qui va qui vient. Ce dilemme, j'ai rendez-vous tous les soirs, ça m'obsède. J'ai rendez-vous, ça rendez-vous avec moi-même. J'ai rendez-vous, maman pile, où moi je me protège. C'est la vie qui va qui vient, des lendemains sans fin. C'est la vie qui va qui vient, toujours, toujours plus loin. C'est la vie qui va qui vient, encore, encore un petit matin. C'est la vie qui va qui vient, des lendemains sans fin. C'est la vie qui va qui vient, toujours, toujours plus loin. C'est la vie qui va qui vient.